Ulysse, déguisé en vieux mendiant, marche en direction de son palais. En chemin, il doit passer voir son porcher. Athéna lui a dit que cet homme lui a toujours été fidèle. Au détour d'un chemin rocailleux, Ulysse voit la maison qu'il cherche. Elle est entourée d'une belle palissade de bois. Les cochons vivent à l'intérieur de 12 petites porcheries. Les chiens du porcher courent vers Ulysse en aboyant. Ulysse s'assoit et jette son bâton afin de montrer son calme et son courage. Le porcher appelle les chiens, puis vient à la rencontre d'Ulysse. Comme ce dernier est déguisé, le porcher ne reconnaît pas son roi. Il l'invite à se joindre à lui pour un repas. Le porcher demande à Ulysse qui il est. Le roi d'Ithaque répond qu'il est un voyageur qui revient d'Égypte et de Crète. Il dit aussi qu'il a combattu à Troie. Puis Ulysse, questionnant le porcher, essaie de savoir comment les choses vont à Ithaque. En allant chercher deux jeunes pourceaux pour le repas, le porcher explique à Ulysse que les prétendants se sont installés dans le palais, qu'ils courtisent Pénélope et qu'ils dilapident les richesses de la famille. À la fin du repas, le porcher invite celui qu'il prend pour un vieux mendiant à dormir ici, à l'abri. En effet, la pluie s'est mise à tomber. Ulysse est réconforté par le bon accueil qui lui a été réservé. Le porcher salue Ulysse, puis va se coucher non loin de ses bêtes, sous un rocher. De son côté, Athéna va trouver Télémaque. Elle l'invite à se rendre dès le lendemain matin à la maison du fidèle porcher. Aussi, dès le matin, le fils d'Ulysse met ses sandales et va là où la déesse lui a dit d'aller. S'approchant de la maison du porcher, les chiens font bon accueil à ce visiteur qu'ils connaissent bien. Ulysse et le porcher sont en train de préparer leur petit déjeuner. Entendant la personne arriver, Ulysse dit au porcher « Tu dois bien connaître la personne qui vient. Tes chiens l'accueillent gentiment. » Télémaque se tient debout sur le pas de la porte. Le porcher bondit et laissant tout sur place, il s'empresse d'aller accueillir son jeune maître, très heureux de le voir. Télémaque s'assoit à table avec les deux autres hommes pour partager avec eux leur repas. Télémaque s'adresse alors au porcher pour lui demander qui est son hôte et d'où vient-il. Le porcher lui répond qu'il s'agit d'un voyageur venant de Crète. Puis il dit à Télémaque « Je te le confie ». Télémaque rétorque immédiatement « Mais tu n'y penses pas. Si cet étranger vient avec moi au palais, il risque de se faire insulter par les prétendants. » Ulysse écoute la discussion. Puis d'un ton ferme, il s'adresse à Télémaque en le regardant dans les yeux. « Sûrement tu n'as pas l'intention de laisser continuer le scandale dans ta propre maison, toi qui es de noble naissance. Ah, si je pouvais retrouver ma jeunesse, si j'étais le fils d'Ulysse ou Ulysse lui-même revenu de voyage, je ferais regretter amèrement à ses prétendants toutes les actions qu'ils commettent. » Voyant que la conversation entre les deux hommes est bien engagée, le porcher décide d'aller faire quelques courses à la ville. Il met ses sandales, salue ses hôtes et part. Athéna pense qu'il est maintenant temps pour Ulysse de révéler qui il est à son fils. Elle lui parle donc en secret pour le lui dire. Elle le touche à nouveau avec sa baguette, afin qu'il retrouve son apparence physique royale. Ses joues se remplissent, ses muscles se font saillants, ses habits resplendissent. Télémaque a peur. Quel est donc ce dieu qui peut changer ainsi d'apparence? Ulysse s'adresse alors à son fils en ces mots. « Je ne suis pas un dieu, mais ton propre père. » Athéna nous a réunis pour que nous réfléchissions ensemble à la meilleure manière de régler leur compte à nos ennemis. Télémaque explique alors à son père que la situation est très difficile et que les prétendants sont nombreux, plus de 100 sûrement. Ils sont jeunes, robustes, les battre sera impossible. Mais Ulysse rappelle à son fils que le soutien d'Athéna leur permettra de réaliser ce qu'ils pensent si difficile. Puis Ulysse ajoute « Mais pour le moment, il te faut rentrer à la maison » et te mêler aux prétendants comme de coutume. Je m'y ferai conduire plus tard par notre fidèle porcher, sous mon costume de mendiant. Et que personne, même Pénélope, sache qui je suis. » Entendant le vieux porcher revenir de ses courses, Athéna transforme à nouveau Ulysse en mendiant, afin que le secret ne soit connu que de Télémaque.